Le 16 octobre, lors de la discussion du sujet armes nucléaires au Comité 1 Désarmement et Sécurité internationale de la 72e Assemblée générale de l'ONU, le délégué coréen a prononcé un discours suivant. Les pays détenteurs des armes nucléaires, y compris les États-Unis, l'OTAN et autres, ont pris l'attitude de refus dès le début au traité d'interdiction des armes nucléaires adopté à l'ONU en juillet dernier et n'ont même pas participé à la réunion en ce qui concerne le traité. Notre République s'efforce constamment pour le démantèlement de toutes les armes nucléaires et la dénucléarisation du monde entier, mais elle ne peut pas adhérer au traité tant que les États-Unis, qui recourent en permanence à la menace et au chantage nucléaire contre elle, le refusent. Le problème nucléaire de la péninsule coréenne est engendré par l'hostilité extrême et la menace nucléaire des États-Unis, et à présent, la situation de la péninsule coréenne est telle qu'on risque de voir éclater à tout moment une guerre nucléaire. Aucun autre pays ne souffre extrêmement pendant de longues années, comme nous, de la menace nucléaire des États-Unis et ne constate devant sa porte les exercices de guerre nucléaire les plus horribles des États-Unis. Notre République a détenu les armes nucléaires et fusées balistiques intercontinentales, et cela est le choix juste pour l'autodéfense face à la menace nucléaire évidente et réelle des États-Unis. À l'avenir aussi, elle suivra la ligne de promotion simultanée du développement économique et de l'édification des forces armées nucléaires, étendard éternel pour la paix, et progressera jusqu'au bout et directement sur la voie de son choix.